La fausse règle stipulant que seuls les savants peuvent bannir de l'islam celui qui l'abandonne. Cette règle est une ruse qu'utilisent les savants du mal afin d'empêcher les musulmans d'intervenir en ce qui concerne ce que commettent les gouvernements arabes dans le monde aujourd'hui. En effet, tout musulman, même le plus débutant au monde, ne pourra en aucun cas croire que ses dirigeants sont musulmans, alors que ceux-ci sont laïcs, démocrates et adeptes de constitutions impies. Alors, afin de pouvoir manipuler la populace, les savants du mal ont inventé une règle dans l'islam comme quoi seuls les grands savants peuvent bannir un musulman de l'islam. Mais le Coran et la Sunna prouvent tout le contraire. Allah a dit dans la sourate 60, verset 4, « Vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, parmi les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. » Nous vous renions, et entre vous et nous pètera la rupture et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous n'ayez foi qu'en Allah uniquement. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, « Certes, les adeptes des religions, islam, judaïsme et christianisme, sont tous d'accord entre eux sur le fait que tous les messagers ont interdit d'adorer les idoles, et qu'ils considéraient mécréants ceux qui le commettent, et que le croyant n'est un croyant qu'après avoir totalement rompu avec le culte des idoles et de tout être adoré autre qu'Allah. Comme le dit Allah le Très-Haut, vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrahim, en ceux qui étaient avec lui, parmi les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, et entre vous et nous pètera la rupture et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous n'ayez foi qu'en Allah uniquement. Sache donc, musulman, que si tu n'exclus pas de ta religion celui qui adore un autre qu'Allah, tu es encore plus ignorant que les juifs et les chrétiens, car eux-mêmes sont d'accord avec les musulmans pour dire que la religion de tous les prophètes est d'interdire le culte d'un autre qu'Allah, et que nul n'est un croyant tant qu'il n'a pas totalement fait rupture avec le culte d'un autre qu'Allah. Et lorsqu'Allah dit « Vous aviez un bel exemple à suivre en Ibrahim », cela concerne tous les musulmans, petits et grands, hommes et femmes, et non pas uniquement les grands savants. Ce verset ordonne donc à tout musulman, homme ou femme, savant ou débutant, de désavouer l'idolâtre et de rompre avec eux, c'est-à-dire de se séparer d'eux et de les considérer dans une autre religion que la leur, avant même de désavouer leurs idoles, jusqu'à ce que cet idolâtre n'ait foi qu'en Allah seul. Et nous avions déjà mentionné les explications des savants sur ces termes dans le chapitre 11. Par contre, les savants du mal prétendent que le musulman débutant n'a pas le droit de dire qu'un polythéiste n'a pas la foi en Allah seul, tant qu'un grand savant ne l'a pas dit, ni n'a le droit de le renier, ni de le haïr, ni se considérer d'une autre religion que celle de celui qui offre des sacrifices au tombeau ou de ceux qui destituent Allah de la fonction de législateur. Quant à l'idée que seuls les savants sont capables de faire la différence entre un mécréant et un musulman, c'est tout simplement faux. Et aucun savant dans l'histoire de l'islam n'a jamais dit une chose pareille. Mais nous trouvons au contraire des savants affirmer le contraire. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit « Il est d'ailleurs inimaginable que tu puisses dire à un homme, même le plus ignorant et le plus abruti de tous, que penses-tu de quelqu'un qui désobéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ne se soumet pas à son ordre de cesser d'adorer les idoles et l'association à Allah, et qui prétend être musulman conforme, sans qu'il ne s'empresse de répondre, par son instinct élémentaire, que c'est un mécréant, sans examiner de preuves, ni interroger un seul savant. Et il dit, et quelle belle parole que celle de ce bédouin, qui un jour arriva jusqu'à nous, et entendit quelque chose sur l'islam. Il dit, je témoigne que nous sommes des mécréants, en parlant de lui ainsi que les autres bédouins, et je témoigne que le religieux qui nous appelle musulmans est un mécréant. Regarde comme le shir félicite ce bédouin, lorsque celui-ci fait non seulement le tekfir de tous les bédouins, mais aussi celui des religieux qui jugent les bédouins musulmans. Shir Abdullah Abu Bataïn dit, et lorsque tu dis jusqu'à ce que la preuve islamique lui soit établie par un imam ou un de ses représentants, cela voudrait dire que la preuve islamique n'est acceptable que si elle vient d'un imam ou de son représentant. Et ceci est une affreuse erreur. Aucun savant n'a jamais dit ça. Au contraire, il est obligatoire à tout un chacun d'accepter la vérité de quiconque la porte, qui qu'il soit. Et ceci impliquerait que celui qui commet un acte interdit, que ce soit du shirk ou quelque chose de moins grave, par ignorance, et que quelqu'un qui a connaissance des preuves légales vienne lui expliquer que ce qu'il a commis est interdit et lui expose les preuves du Coran et de la Sunna. Il ne serait pas obligé de l'accepter, sauf si cela vient d'un imam ou de son représentant. Et que la preuve d'Allah ne sera pas établie contre lui, sauf si cela vient d'un imam ou de son représentant. Je pense que tu as entendu ce genre de propos de la part de certains égarés et que tu les as suivis aveuglément dans leur avis. Certes, le rôle de l'imam ou de son représentant, c'est d'appliquer les peines légales, comme l'appel à la rétractation et la peine de mort, comme pour l'apostat de l'islam. On voit ici ce qui est du domaine des savants et des autorités. Ce n'est non pas le fait de croire que celui qui adore un autre qu'Allah est un polythéiste, mais plutôt le fait de lui appliquer les peines et sentences relatives à son apostasie. Par contre, s'il n'y a pas d'autorité pour le faire, alors on n'applique aucune sentence, mais cela n'empêche en aucun cas de juger cet idolâtre comme un mécréant hors de la sphère de l'islam. Quant aux mécréances qui ne contredisent pas le témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, mais qui consistent en des oppositions envers certains enseignements subsidiaires dont la preuve peut échapper à la masse des gens, comme les hérédits qui ne contredisent pas l'unicité d'Allah ni la prophétie de Mohammed. Ici, nous pouvons dire que l'application du tekfir revient aux savants compétents pour expliquer à ces hérétiques leurs fautes. Mais en ce qui concerne le tekfir de celui qui adore un autre qu'Allah et lui donne des associés, tout musulman est tenu de bannir une telle personne de l'islam. Et les savants sont unanimes pour dire que quiconque, savant ou non, hésite ou doute de la mécréance de celui qui donne un associé à Allah, il n'est lui-même pas musulman et il n'a pas rejeté le tarout. Et Allah demeure le plus savant. Et qu'Allah bénisse et salue notre bien-aimé prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Et notre dernière prière est de louer Allah, le Seigneur de l'univers.